La grésille, ah d'accord. Attends, je vais baisser un peu. Et là, c'est bien, c'est belle. Ah. Ah. Là, c'est mieux, là, non? Là, tu m'entends toujours? Je vois pas la jauge qui bouge, en fait. Ah, d'accord, je vais baisser un peu. Et là? Là, c'est parfait, normalement. Ouais, ça grésille pas. Je me suis mis en audio. En mode audio. Mais j'ai du mal à mettre le son. Par contre, je n'entends pas. Ouais, j'ai un casque. Hein. J'ai un casque. T'entends la guitare? Je suis au minimum en fait. Et là, tu m'entends encore? Si, j'ai un casque. Attends 2 secondes. Ouais, j'ai un retour. Attends, mute. Ah voilà. Non, c'est pas ça. Ah, c'est ça peut-être. Mute. Un seul. Ouais, j'ai muté. Hein. C'est un peu mieux. Hein. Ah d'accord. C'est un bug de ouf. Il y a retour en fait. Mais là, tu fais un retour ou pas? Un, deux.